Nous arrivons à 2 Samuel. 2 Samuel 19. On va voir que David continue à subir la discipline du Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous discipline, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit qu'il y a différentes façons de réagir dans Hébreux. Avant de garder la page dans 2 Samuel 19, mais si vous voulez bien regarder avec moi le passage de Hébreux 12, versets 5 et 6. L'auteur, citant un passage des Proverbes, nous dit de ne pas oublier l'exhortation qui nous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. » Dans ce petit passage, on voit qu'en fait, il y a deux façons de réagir devant la discipline du Seigneur. La première, la plus dangereuse, enfin une qui est très dangereuse, c'est de se moquer de sa discipline, de la prendre à la légère, de dire « Oh, c'est pas grave, de toute façon, le Seigneur m'aime, il m'a pardonné, je suis sauvé », et ne pas prendre en compte cette discipline. Le deuxième écueil, c'est d'être abattu par cette discipline, d'être complètement démoralisé, découragé, ne plus croire à l'amour de Dieu. En fait, l'auteur nous rappelle que si Dieu nous corrige, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous transformer. Et c'est un bon signe, quelque part, la discipline du Seigneur. Le fait qu'il nous reprenne, ça veut dire qu'il nous aime. S'il ne nous aimait pas, il se moquerait de nous et il nous laisserait vivre sans intervenir dans notre vie, dans la correction. Un peu comme vous allez peut-être trouver que les enfants des voisins sont des petits garnements qui manquent de respect, qui font du bruit, mais parce que ce ne sont pas vos enfants, vous n'allez pas les corriger. Ou alors vous risquez d'avoir des ennuis avec les parents de ces enfants. Mais la discipline, c'est quelque chose qui nous montre l'amour du Seigneur. Et donc, il faut prendre en compte sans se laisser abattre. L'ennemi va nous dire, oui, tu vois, toutes ces choses qui t'arrivent, c'est la preuve que le Seigneur t'a laissé tomber ou qu'il est en colère contre toi, qu'il ne t'aime plus. C'est justement l'inverse. Et David, qui est appelé un homme selon le cœur de Dieu, on voit que dans toute cette longue histoire des conséquences de son péché, il a une attitude humble, il a une attitude d'un fils qui est prêt à se laisser reprendre et qui s'en remet à l'amour de son père. Ça, c'est très important dans notre vie. Quoi qu'il nous arrive, de pouvoir faire confiance à Dieu dans son amour. Et je sais que parmi nous, il y en a sans doute qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont avoir l'examen? Est-ce qu'ils vont avoir le titre de séjour? Est-ce que cette personne va leur montrer de l'amour ou pas? Et toutes ces décisions qui vous attendent, ces découragements peut-être, que ça jamais ça ne vous fasse penser que Dieu ne vous aime plus. Si vous pensez à lui, si ça, l'idée d'être éloigné de lui vous fait mal, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il vous aime et que vous l'aimez aussi. On a depuis des semaines, à raison d'un ou deux chapitres, ou d'un chapitre et demi par dimanche, on voit que la discipline du Seigneur est pesante sur David. Il avait commis l'adultère, et puis il avait essayé de cacher son crime par un autre crime, en faisant tuer le mari de la femme avec qui il avait commis l'adultère, Bathsheba. Il avait caché son crime, son, ses crimes, ses péchés. Finalement, il avait été repris par le prophète Nathan, qui lui avait promis qu'il était pardonné, mais qu'en même temps, l'épée, la punition, la violence ne quitterait pas sa maison. Et on voit cette prophétie se dérouler tristement, tragiquement. On voit son fils Amnon qui viole une demi-sœur et qui est Tamar, qui est vengée par son frère, Absalom qui tue Amnon. On voit Absalom qui essaye de prendre le trône de son père, David qui est obligé de fuir. Puis finalement, la rébellion d'Absalom est matée et Absalom meurt une fin tragique. Ce n'est pas une histoire tirée par les cheveux, il meurt attaché par sa longue chevelure blonde qu'il pesait quand il l'a coupée, tellement il était plein d'orgueil pour sa beauté et ses cheveux, qu'il meurt pendu à un arbre par l'intermédiaire de Joab qui avait tué aussi d'autres personnes de sang-froid. Et on a dit que si David était un grand homme de guerre, c'était aussi un homme qui montrait beaucoup de faiblesse dans la vie de sa famille. C'était un homme émotionnel qui vivait par les sentiments. Et lorsque son fils est tué par Joab, et qu'en fait ça la met fin à la rébellion contre lui-même, contre David, au lieu de se féliciter de ses soldats qui l'ont défendu, de son chef qui a mis fin à la révolte, il sombre dans la plus grande panique de tristesse. « Oh, Absalom, Absalom, si seulement j'avais pu mourir à ta place. Absalom, mon pauvre petit-fils, mon pauvre petit garçon. » Et il faut la vigueur et un peu le manque de gants de Joab pour lui dire « Écoute, David, ça suffit, reprends-toi. Tu viens, il y a des gens qui viennent de risquer leur vie pour te sauver, pour sauver ton trône. » À toi de te reprendre. Et on avait évoqué l'idée que lorsqu'on a des responsabilités, il y a un moment où il faut faire fi un peu de ses sentiments et se reprendre. Ne pas laisser les sentiments conduire notre vie. Et on arrive donc au moment où le roi David est prêt à revenir et à assumer ses responsabilités. Et on est au chapitre 19, verset 10, si vous voulez lire avec moi. Dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple discutait en disant « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a fait échapper à la main des Philistins et maintenant il a dû prendre la fuite loin du pays devant Absalom. Or, Absalom, à qui nous avons donné l'onction comme roi sur nous, est mort au combat. Pourquoi vous taisez-vous lorsqu'il s'agit de faire revenir le roi ? De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar, « Parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison ? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi dans sa retraite. Vous êtes mes frères, vous êtes de mes os et de ma chair, de mes os et de ma chair. » Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi ? Vous direz aussi à Amasa, n'es-tu pas de mes os et de ma chair ? Que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela, si tu ne deviens pas devant moi pour toujours, chef de l'armée à la place de Joab. David fléchit le cœur de tous ceux de Juda comme s'il n'avait été qu'un seul homme, et ils envoyèrent dire au roi, reviens toi et tous tes serviteurs. On voit ici naître une séparation qui existait au tout début du règne de David. Il avait d'abord régné en Juda. On voit une séparation qui s'installe un peu entre les tribus d'Israël et Juda. Cette division, on va la sentir pendant le règne de la fin du règne de David, Salomon, mais c'est surtout après Salomon qu'il va y avoir une séparation, un schisme, et qu'il va y avoir les tribus du nord, les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud de Jérusalem, la capitale de l'autre des tribus du nord étant Samarie. Et on va voir après dans le récit historique de l'Ancien Testament ces deux constantes qui éclairent tout ce qui se passe. Mais là, il y a les tribus d'Israël qui s'étaient ralliées à Absalom, qui réalisent qu'en fait, David était un bon roi. Il n'était peut-être pas aussi dynamique ou aussi charismatique que Absalom avait pu l'être, mais il se rappelle que c'est lui qui les avait délivrés des ennemis, des Philistins. Et puis il réalise qu'en fait, Absalom, ben, il n'est plus là, il est mort au combat, il s'est fait attraper par ses cheveux, et ils disent, mais on devrait faire revenir le roi. David, lui, il entend par ses amis qui lui rapportent ses propos, il entend le désir de certains de le voir revenir comme roi. Et il se demande pourquoi les habitants de Jérusalem, de Juda, ne seraient pas les premiers à rappeler le roi, parce que lui, il était de cette tribu. Et il leur fait dire, vous êtes mes frères, vous êtes de mes os et de ma chair, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Et puis, il veut quand même se débarrasser de Joab qui a tué son fils, maintenant il le sait. Il le remplace par Amasa qui était en fait le chef des troupes d'Absalom. Donc c'est un peu curieux, il prend pour chef de ses propres troupes l'homme qui dirigeait les troupes en rébellion contre lui, David. Mais c'est une façon de montrer qu'il a vraiment pardonné. C'est une façon de réconcilier tout le peuple. On se souvient qu'Amasa, c'était aussi un cousin ou un neveu de David. Joab et Abishai, son adjoint, qui était frère, son frère, étaient des neveux aussi de David, des fils de Tseruya, la sœur de David. Et alors, peut-être, il y en a qui sont déjà perdus, et je ne vous en blâme pas, l'histoire est compliquée, surtout si vous ne l'avez pas suivi. Lorsque on lit les commentaires sur la vie de David, on voit qu'au début, c'est très détaillé, chapitre par chapitre. Et puis si on cherche des commentaires vers la fin, on voit le chapitre 19 à 24, ou 19 à 17 à 20. Pourquoi ? Parce que ça devient compliqué, les gens se lassent un peu. Peut-être vous êtes lassé de ces histoires de David. Peut-être vous dites, quand est-ce qu'on passe à autre chose ? Encore une fois, je crois que c'est l'Esprit Saint qui inspire la Bible. Et s'il s'appesantit, s'il prend du temps sur les passages, c'est pas à nous de dire il s'est trompé, il aurait fallu raccourcir un peu. Non, nous devons chercher ce qu'il veut nous dire à travers ça. Tous ces personnages, pour moi, c'est toutes ces histoires, c'est la preuve que la Bible est un livre historique. C'est pas une fable, c'est pas un joli conte, c'est pas une jolie allégorie comme on trouve dans de nombreuses religions. Où on raconte, tout est beau pour le héros, la vie est facile, il y a quelques batailles rapidement racontées. Non, là, cette complexité, c'est la complexité de la vie. C'est la complexité de ma vie, c'est la complexité de votre vie. Avec des amis, des alliances, des ennemis, des gens qui changent, des déceptions, des encouragements, des persévérances. C'est la vie. Et tout ça, ça a été écrit pour notre instruction. C'est le Nouveau Testament. Des fois, des gens disent « Oh, l'Ancien Testament, pff, aura le bol. » Non, toute la Bible est inspirée par Dieu. Elle nous a été donnée pour notre éducation, pour nous corriger, pour notre correction, pour notre instruction, pour nous préparer à toutes les œuvres bonnes que Dieu a pour nous. Et David, il est dit qu'il va fléchir le cœur de tous ceux de Juda comme s'il n'avait été qu'un seul homme. David pourrait forcer les gens à accepter son retour. Son fils, son ennemi, Absalom, est mort. Les troupes ont été vaincues. Il a tous les droits de dire « Je reviens à Jérusalem et je reprends le pouvoir ». Mais on s'aperçoit, et ça fait partie, je crois, de son cœur d'homme après le cœur de Dieu, c'est qu'il ne cherche pas à s'imposer. Il ne manipule pas les choses pour sa propre gloire. Et ça, il l'a montré dès le début de sa vie, lorsqu'il a dû fuir et échapper. Jamais il n'a levé la main sur celui qui avait été oint par Dieu, c'est-à-dire sur le roi Saül. Il se soumet à Dieu, il fait confiance à Dieu pour diriger sa vie, même lorsqu'il serait très facile d'intervenir et de dire « Bon, maintenant, ça y est, il est parti, je reviens. » Non, ce qu'il veut, il veut le cœur de ses sujets. Il veut que ses sujets le réclame. Il ne veut pas s'imposer, il veut qu'on lui demande de revenir. Il fléchit le cœur de tous ceux de Juda. Alors c'est vrai qu'il demande à Tsadok et Abiathar, les deux prêtres, sacrificateurs. Normalement il n'y avait qu'un grand prêtre, mais on parle toujours des deux comme étant ensemble. Tsadok, certains disent que c'était plus le prophète, que Abiathar, c'était lui le grand prêtre, mais c'est pas très, très clair dans les passages que nous avons lus. Il veut leur cœur. Il veut pas les imposer, s'imposer. Et finalement, il réalise qu'en fait, c'est vrai, il l'aime. Il a tout fait pour eux, il a été un bon roi. C'est vrai qu'il vieillit, qu'il est peut-être plus aussi dynamique qu'avant, mais ils le veulent, ils l'aiment. Une des règles, lorsqu'on lit la Bible, si vous n'êtes pas familier avec ce principe, c'est, on l'a vu mercredi dernier, on a fini l'étude de Luc dans le dernier chapitre. Il y a un épisode bien connu, celui des disciples d'Emmaüs. Ça se passe l'après-midi de Pâques. En général, le dimanche de Pâques, on vous donne le plus souvent des sermons sur le matin de Pâques. Mais encore une fois, avec Dieu, il y a des grands moments, mais l'après-midi de Pâques est tout aussi important dans son enseignement. Et l'après-midi de Pâques, on voit les disciples d'Emmaüs, deux hommes qui rentrent à Emmaüs après avoir quitté Jérusalem, la scène de la crucifixion, le grand chagrin. Ils ont entendu, il y a eu des rumeurs que le tombeau était vide, mais Jésus, qui est ressuscité, s'approche d'eux et va parler avec eux. Et ils ne le reconnaissent pas. On pense que peut-être il avait changé d'aspect, on lui avait arraché la barbe, d'après la prophétie d'Ésaïe. Leurs yeux aussi étaient un peu aveuglés, ils n'avaient pas reconnu. Et c'est que lorsqu'ils se séparent d'eux, qu'ils reconnaissent que c'était lui. Mais il est dit, verset 25 du chapitre 24 de Luc, « Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence. » C'est-à-dire, c'est une façon gentille de dire imbécile. et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous êtes imbécile et vous êtes incrédule. Est-ce qu'on se reconnaît ? Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et puis, plus tard, lorsqu'ils réalisent que c'était lui qui les enseignait, ils disent « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est une étude biblique dont on n'a pas l'enregistrement. C'est dommage. Qu'est-ce que ce serait formidable d'avoir une étude biblique par Jésus sur sa présence dans toutes les Écritures. Waouh ! Ça serait le best-seller. Le livre se vendrait comme des petits pains. Ce ne serait peut-être pas un petit livre. Je crois qu'ils en parlaient longtemps. Mais nous aussi, nous devons... Jésus n'est plus physiquement avec nous, mais nous avons son Esprit Saint qui nous parle. Nous avons sa parole. Et c'est toujours une bonne façon de se dire, lorsqu'on lit la Bible, surtout l'Ancien Testament, où est Jésus ? Il y a ce livre qui a beaucoup de succès, qui est traduit en français dans plein de langues. De tous ces dessins, il y a un petit personnage. Alors je crois qu'en anglais c'est Waldo. En français, je ne sais plus comment il s'appelle. Charlie. Il faut le retrouver dans l'image. Et là aussi, quand on lit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, où est Jésus ? Et nous savons que David, en fait, c'est un type, c'est une illustration de Jésus-Christ lui-même, qui est appelé à maintes reprises le fils de David, lui qui a un trône qui ne va jamais périr. Le trône de David, Nathan avait promis à David que son trône ne disparaîtrait jamais, parce que le trône de David, c'est le trône de Jésus qui est son ancêtre, son descendant par la chair, mais aussi son créateur. C'est un autre passage qui nous parle de ça. Tout ça pour dire qu'en fait, notre roi, si nous sommes ses enfants, si nous sommes chrétiens, c'est Jésus. Et Jésus, il ne s'impose pas. Jésus aurait toute puissance pour nous forcer à l'aimer, pour nous forcer à nous mettre bas devant, à genoux devant lui, mais il veut notre cœur. Il veut votre cœur. Je me rappelle un ami que j'ai connu les premiers temps qu'on avait passé à Nice. Et c'était un ancien dans une église et il aimait partager sa foi. Un peu comme Andy aime bien poser des questions aux gens. Cet homme partageait sa foi avec qui voulait l'entendre. Et il m'emmenait des fois avec lui voir ses amis. Et je me souviens de la fois où il avait parlé avec un homme qui se pensait chrétien parce que son papa avait été un ancien. Et il lui disait, c'est pas d'aller à l'église, mais où est ton cœur ? Où est ton cœur ? C'est un homme qui était préoccupé par ses affaires, son travail, et qui n'avait pas donné beaucoup de place à Jésus-Christ dans sa vie. Et l'homme lui disait, c'est vrai, je pourrais donner davantage d'argent à l'église, je pourrais passer plus de temps. Et Serge, c'était son prénom, lui avait dit, ce que Jésus-Christ veut, c'est pas ton temps, c'est pas ton argent, c'est ton cœur. Jésus veut notre cœur, avant toute chose. Après le reste, il fait ce qu'il veut de nous, il peut nous diriger s'il a notre cœur. David a fléchi le cœur, Jésus veut fléchir votre cœur. Peut-être vous ne le connaissez pas, peut-être vous êtes ici, c'est la première fois que vous entendez parler de l'Ancien Testament de cette façon, mais ce n'est pas par hasard. Jésus veut votre cœur, et il ne s'impose pas, et il ne peut être fait roi que quand les autres rois de notre vie sont morts. Tant qu'il y avait Absalom, il ne pouvait pas prendre la place de Il ne pouvait pas revenir sur le trône. Il y avait d'autres rois. Il y avait un autre roi. Est-ce qu'il y a d'autres rois dans votre vie? Ça, c'est une question à laquelle seul vous pouvez répondre. Qu'est-ce qui met de l'éclat dans votre regard? Un peu d'énergie dans votre démarche. Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui vous fait faire tic-tac? Qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que c'est de se dire je vais réussir enfin cette agrégation, ou je vais réussir ce doctorat, ou je vais enfin pouvoir épouser cet homme pour qui je prie depuis des années? Est-ce que c'est je vais signer ce contrat qui va m'assurer la richesse, ou bien je vais avoir cette promotion et là je vais être enfin à la mesure de qui sera enfin à la mesure de mes talents et je vais pouvoir être enfin heureux. Qu'est-ce que vous cherchez pour vous satisfaire? Et encore une fois, lorsque ne croyez pas que je suis là vivant parfaitement, je me parle à moi-même. Est-ce que c'est quand on aura deux fois plus de monde dans l'église que ce sera mieux, que je serai vraiment satisfait? Dans le ministère peut prendre la place de Jésus. On se dit, ben non, je travaille pour lui, je suis à fond dans le ministère, il n'y a pas de problème. Si, justement. Je peux être dans la Bible tous les jours pour préparer le message. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il veut m'amener dans d'autres passages. Il veut que j'ai des moments où ce ne soit pas seulement parce que j'ai une responsabilité ou parce que ça m'avance dans mon travail. Et si vous êtes dans le ministère, vous aussi, sachez que ça ne vous met pas à l'abri de vous éloigner de son cœur. Amen. Une fois que Absalom est mort, une fois que le cœur des hommes, alors il vient. Ça rappelle bien sûr ce fameux passage de l'Apocalypse où Jésus disait qu'il frappait à la porte et que c'est lorsqu'il parlait à l'église de Laodicée qui, par beaucoup d'aspects, peut ressembler à l'église moderne, l'église riche, influente, qui se croit forte alors qu'en fait elle est froide ni bouillante. Et il dit à cette église qu'il se tient à la porte, il n'est pas dans l'église, il est à l'extérieur, il dit « Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus n'enfonce jamais la porte. Il frappe. Si vous êtes ici, c'est parce que quelqu'un vous a invité. C'est lui qui frappe à la porte de votre cœur. Mais il ne va pas la faire exploser, la porte. Il veut que ce soit vous qui l'ouvriez de l'intérieur. Encore une fois, il veut votre cœur. Et il revient. Et donc, il est dit que le roi, verset 16, le roi revint et arriva jusqu'au Jourdain, et Judas se rendit à Gilgal, afin d'aller à la rencontre du roi et de lui faire passer le Jourdain. Donc la tribu de Judas vient aider le roi à revenir de l'autre côté du Jourdain, pas loin de Jérusalem, pour revenir à Jérusalem. Et il va rencontrer trois personnes, Shimei, Mephibosheth, Barzilai, dont on a parlé un petit peu, et quelque part c'est presque comme des tests pour David. Il aurait sans doute aimé être acclamé par des gens qui l'auraient aimé, qui l'auraient su être des fidèles. Mais là, il va se retrouver avec des personnes à qui il va falloir pardonner ou mieux comprendre les choses. Et là encore, ça fait partie de la façon dont David reçoit la discipline du Seigneur. Il ne se moque pas de cette discipline, il n'en est pas abattu, mais il se laisse transformer par cette discipline. Il se laisse transformer dans le pardon, dans la restitution. Tout ça, ce sont des qualités d'un homme selon le cœur de Dieu. Il va d'abord tomber sur le dénommé Shimei. On va lire du verset 17 à 24. Shimei, fils de Guéra, benjaminite, qui était de Baourim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, qui était au service de la maison de Saül avec ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils parvinrent au Jourdain avant le roi. Le bac pour le passage de la maison royale traversa à sa convenance, et Shimei, fils de Guéra, tomba devant le roi quand celui-ci eut passé le Jourdain. Il dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de ma faute. Ne te souviens pas que ton serviteur a fauté le jour où le roi mon Seigneur sortait de Jérusalem. Que le roi ne l'ait pas à cœur, car ton serviteur le reconnaît, j'ai péché. Et voici que je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph pour descendre à la rencontre du roi mon Seigneur. » Alors Abishai, fils de Tseruya, prit la parole et dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit le Messie de l'Éternel ?» Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruya, et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires ? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël ? N'ai-je donc pas reconnu qu'aujourd'hui le roi sur Israël, c'est moi ?» Et le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras pas, le roi lui en fit le serment. » Shimei, c'est cet individu, si vous vous en souvenez, qui avait, lorsque Absalom poursuivait David, qui l'avait maudit, qui lui avait dit qu'en fait, c'est parce qu'il avait fait du mal à la maison de Saül, le précédent roi, qu'il devait courir et il le maudissait. Et déjà à ce moment-là, ça c'était au chapitre 16, si vous voulez vous y tourner, page 329, juste un peu avant, lorsqu'il était arrivé dans cette région, c'était cet homme du clan de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra, qui était sorti en prononçant des malédictions. Il avait jeté des pierres à David et à tous les serviteurs, et encore une fois, là, déjà, Abishai, le fils de Tseruya, voulait faire la peau de ce chien mort qui maudissait le roi Monseigneur. Il voulait lui couper la tête. Et déjà David disait encore, mêlez-vous de ce qui vous regarde, s'il me maudit, c'est que Dieu lui a dit de maudire David. David était prêt à prendre cette correction qu'il voyait comme une correction venant de Dieu. Et ça a duré pas mal de temps. Et ça montrait vraiment beaucoup de persévérance, de patience de la part de David. Et là, c'est la première personne qu'il voit, c'est ce gars-là. Ce gars qui l'avait maudit, pour lequel son serviteur Abishai, son général en second, voulait lui prendre la tête, c'est le cas de le dire. Et il tombe sur lui. Et là, c'est presque comme un test, je crois, de la part de Dieu pour voir comment est le cœur de David. Est-ce qu'il va, dire, ah non, toi maintenant que je suis au pouvoir, là tu viens t'excuser, tu viens demander pardon. Quand j'étais pas au pouvoir, tu me courais après, tu me maudissais, tu me jetais des pierres, j'ai dû me retenir déjà pour pas te couper la tête. Là non, tu as dépassé les bornes, vas-y, Abishai, montre-moi tes talents de manipuleur ou d'épéiste. On va voir si tu dois t'y reprendre à deux coups ou si tu peux faire ça en un seul coup, net, comme un bon coup de machette. Et pourtant non, David dit, j'ai pas à avoir peur, je suis le roi, il pardonne. Il pardonne parce que aussi, je crois, il prend les paroles de Shimei. Il veut lui donner le bénéfice du doute, on dirait dans le langage profane, qu'il reconnaît son péché. Il dit « J'ai péché contre toi, ne te fâche pas, mais j'ai péché, j'ai eu tort. Et je suis le premier à venir te rencontrer, hein, tu le vois. » Et ça aussi, c'est lorsqu'on veut que le roi revienne dans notre vie, Jésus-Christ, il veut que nous disions « J'ai péché, j'ai été loin de toi, j'ai peut-être pas dit du mal de toi, mais j'ai pas dit du bien de toi quand j'aurais pu dire du bien de toi. Je n'ai pas témoigné. Lorsque les gens se moquaient des chrétiens, j'ai pas dit que j'en étais un, j'en étais une. J'ai changé la conversation. » Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner, pour nous laver de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Et il nous accepte. Pouvons lui dire, j'ai eu d'autres rois, je te demande pardon. J'ai pas été le chrétien que j'aurais dû être. Mais je te demande pardon. Et là aussi, le Seigneur nous pardonne. Vous vous souvenez, la faute de David, dès qu'elle avait été confessée, on a dit, et ça c'est une chose à noter, le pardon interrompt la confession. Dieu le Père est si impatient de voir votre cœur, d'être comme le Père du Fils prodigue qui attend chaque jour de vous voir revenir à lui, que vous n'avez même pas le temps de finir votre confession, qu'il vous dit qu'il vous pardonne et qu'il vous accepte. Il est merveilleux. Et ça, ce n'est pas seulement la première fois que vous venez à lui. C'est chaque fois que nous nous éloignons de lui par nos péchés, que nous laissons le péché nous séparer de lui, pas éternellement si nous l'avons accepté dans notre cœur, mais il n'y a plus cette relation, il n'y a plus cette intimité, il n'y a plus cette joie à tourner les yeux vers lui, à l'écouter, à attendre ce qu'il va nous dire par sa parole, par son Esprit Saint, par les circonstances. Et une chose qui est intéressante aussi, c'est que David pardonne. David pardonne, et souvent les gens qui ont du mal à pardonner, c'est les gens qui ont peur. C'est les gens qui ne sont pas à l'aise dans leur position, dans leur situation, et ils gardent du ressentiment. Ils ont peur. Le pardon, c'est un signe de paix intérieure. J'ai plus à lutter pour assurer ma position, pour je te pardonne et je ressortirai plus cette histoire, je te le promets. Et ça, c'est le pardon de Dieu. Nous les hommes, nous sommes invités par sa force, par son esprit à faire de même, mais souvent c'est bien difficile pour nous, n'est-ce pas? Mais David dit, pourquoi est-ce qu'on punirait quelqu'un? Je suis le roi, maintenant tout le monde le reconnaît, tout le monde a dans son cœur de me recevoir. Il lui fait un serment, il lui dit, n'aie pas crainte, tu ne mourras pas. C'est un serment que Dieu nous fait lorsque nous acceptons Jésus-Christ. Il nous dit, tu ne mourras pas. Même si tu meurs, tu vivras une deuxième fois. Et ça ne sera pas 40, 50, 60, 80, 120. Si on s'appelle Madame Calment, ce sera pour l'éternité. Mais viens à moi, je t'attends, viens à moi. Ça, c'est le premier, Shimei. C'était un test. Deuxième, c'est quelqu'un qu'on a rencontré au chapitre 9. On a dit qu'on lui ressemblait tous à ce gars-là. Il était perclus des deux pieds, il était invalide. Mephibosheth. Un nom pas facile à dire. Mais pourtant, c'est Mephibosheth, c'est vous et c'est moi. C'était cet homme qui faisait partie des descendants de Saül, du roi Saül, et qui avait vécu toute sa vie dans la peur de se faire attraper par David et ses troupes. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on venait d'une autre dynastie, une dynastie en remplaçait une autre, le monarque qui arrivait au pouvoir s'assurait que tous les héritiers du précédent roi, du précédent monarque, étaient exécutés. Pour pas qu'il y ait d'envie, de possibilité de faire revenir au pouvoir quelqu'un de l'ancienne dynastie. Et en fait, arrivé au sommet de sa gloire et à un moment de paix, David avait demandé « Est-ce qu'il ne reste pas encore quelqu'un de la famille de Saül ?» Parce qu'il avait promis à son ami Jonathan, le fils du roi Saül, de bénir la famille de Jonathan. Et en fait, on lui avait dit « Oui, il y a bien un Mephibosheth, mais il est infirme. Sa nourrice l'avait fait tomber en prenant la fuite lorsqu'elle avait eu peur de David quand il était enfant. Et ce Mephibosheth, il vivait dans un endroit pas très gai, il vivait à Lodebar. Lodebar, c'est un endroit de désert, c'est un endroit de vide, c'est un endroit où il n'y a rien d'intéressant, c'est un endroit sinistre. Et par cette histoire, le Seigneur veut nous rappeler que vivre loin de lui, vivre sans lui, ça peut paraître excitant pendant quelque temps, mais au fond du compte, et on le sait, même si on croit, on fait semblant de rire et de s'amuser, c'est triste, c'est vide. Il y a pas, c'est comme la traversée d'un désert, de ne pas connaître le Dieu qui nous a créés, qui nous aime et qui veut que nous l'aimions en retour. Et ce Mephibosheth, David l'avait fait venir à sa cour et il lui avait promis de le faire manger à sa table tout le restant de ses jours. Il était invité à la table du roi. Et ça, ce n'était pas une seule fois. Comme je me souviens, il y avait une époque, le président Giscard d'Estaing avait invité à sa table quelques éboueurs en signe d'ouverture. C'était plutôt pour se faire photographier, dire que c'était quelqu'un de nouveau, qui avait un nouvel esprit. Non, le roi David avait invité Mephibosheth et il mangeait avec les enfants du roi, à la table du roi. Et ça, c'est aussi l'invitation de Jésus, de Dieu, qui nous fait manger à la table, à sa table, pour l'éternité. Et il y a un petit détail à la fin de ce chapitre 9 de 2 Samuel où il est dit qu'il était perclus des deux pieds. Son infirmité n'avait pas disparu, mais elle était couverte par la nappe blanche. J'imagine qu'elle était blanche. Elle était peut-être d'une autre couleur, blanche et bleue, les couleurs d'Israël. Son infirmité n'était plus visible. On le voyait comme un des fils du roi. Et nous aussi, nous restons des pécheurs. Mais nous devenons des enfants du roi lorsque nous venons à Christ. Il nous reçoit à sa table. Et ce Mephibosheth, en fait, il avait un serviteur, Ziba, qui était un des serviteurs du roi Saül, qui n'était pas très clair, qui n'était pas très honnête. Il avait profité des propriétés que Saül avait laissées pendant que Mephibosheth se cachait pour en profiter. Et puis, il avait menti à David en disant, il avait calomnié Mephibosheth en disant que ce Mephibosheth était contre lui, il supportait Absalom parce qu'il espérait qu'au bout du compte, ce serait la dynastie de Saül, le roi Saül, qui reviendrait au pouvoir et que lui en profiterait en étant l'héritier principal. Lisons verset 25. Mephibosheth, fils de Saül, ça veut dire de la famille de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds ni fait sa barbe, ni nettoyer ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ?» Il répondit « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé. Car ton serviteur avait dit « Je ferai sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Car ton serviteur est boiteux, mais il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. » Fais ce qui semblera bon à tes yeux, car tous ceux de la famille de mon père n'ont été que des gens dignes de mort pour mon seigneur le roi. Et cependant, tu as mis ton serviteur avec ceux qui mangent à ta table. Qu'ai-je fait de juste pour pouvoir supplier le roi ? Le roi lui dit, à quoi bon toutes tes paroles ? Je l'ai déclaré, toi et Tsiba, vous partagerez les terres. Alors Méphibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque mon seigneur le roi rentre en paix dans sa maison. Il faut vous souvenir donc que lorsque David avait dû prendre la fuite devant Absalom, ce Tsiba était venu avec lui en apportant des vivres et en disant que Méphibosheth avait voulu rester et ne voulait pas suivre le roi. Ici, Méphibosheth explique au roi qu'en fait, ce n'est pas la vérité, il avait besoin d'un âne, qu'on scelle un âne pour lui, pour suivre le roi, car il ne peut pas marcher, il a besoin d'aide, il est boiteux. Mais ce serviteur Tsiba a refusé de le faire. Et il a menti, il a dit que j'étais contre toi, mais ce n'est pas le cas. Je suis heureux que tu sois de retour. Et David, qui avait sur le coup, avait donné toutes les terres de Méphibosheth à son serviteur Tsiba, lorsqu'il pensait que Méphibosheth l'avait trahi, il réalise qu'en fait, il a été trompé, il a pris une mauvaise décision, il avait pris une décision à la hâte, et il décide pas de punir et de redonner toutes les terres à Méphibosheth, peut-être parce qu'il est gêné, ou parce qu'il a assez fait de bêtises, peut-être qu'il veut ménager cette fois-ci la chèvre et le chou, comme on dit, et il leur dit « vous partagerez ». Et c'est là qu'on voit la profondeur de l'amour de Méphibosheth. C'est pas sans nous rappeler un test qu'on trouve dans la vie de Salomon, où il y avait deux femmes qui se disputaient un enfant, en disant que c'était leur enfant. Et l'une d'entre elles disait, mais le roi avait dit, bon, on va le couper en deux, comme ça vous en aurez chacun un morceau. Et celle qui n'était pas sa maman était prête, c'est un peu stupide, mais elle était prête à accepter ce partage. Juste, hein, on fait moitié-moitié. Par contre, la maman, la vraie maman, elle avait dit, non, bien sûr que non, qu'elle l'est, tant pis. Et le roi Salomon, dans sa grande sagesse, avait dit, ben, qu'on le donne à cette femme, parce que, toute évidence, l'autre qui était prête à en prendre 50%, ce n'est pas la maman. Et là, on voit un peu la même chose. Tsiba, lui, il avait ses intérêts, mais Méphibosheth, il lui dit, c'est même pas la peine que tu me donnes la moitié des terres, je m'en fiche. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois là, que tu sois de retour. Et ça aussi, c'est avoir le cœur de Dieu, c'est aimer Dieu, d'être prêt à tout laisser tomber du moment que j'ai Jésus-Christ. Il y a un très beau chant par contemporain, il y en a eu d'autres dans le passé. Prenez-moi tout, mais donnez-moi Jésus. Et ça, si ça fait sourire votre cœur, c'est un bon signe. L'idée que les richesses, une villa avec une piscine, un métier fantastique, la gloire, la renommée, si vous êtes prêt à dire, c'est pas toujours facile, mais ce qui compte, c'est que j'ai ma relation avec Jésus-Christ. Et ça, c'est Méphibosheth. Il dit, ce qui compte, c'est que tu sois là. Et ça, c'était un test, c'était plutôt une grande preuve d'amour qui, quelque part, a dû faire mal à David aussi, lui montrer qu'en fait, il s'était laissé tromper par quelqu'un qui, en fait, cherchait l'intérêt avant tout. Et donc, après Shimei, qui lui demande pardon, il voit quelqu'un, Méphibosheth, qui dit, ce qui compte, la seule chose qui compte dans ma vie, c'est toi. Maintenant, on va voir un troisième, Barzilai. Barzilai, le Galaadite. C'est pas des noms faciles. Hein. On pourrait dire Michel, Christian, ou Joe, Bill. Non. Barzilai, le Galaadite. Mais ça a son charme aussi. Lui descendit, verset 32, il descendit de Roguelim et passa le Jourdain avec le roi pour le laisser partir du Jourdain. Barzilaï était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait pourvu le roi de tout pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme très important. Le roi dit à Barzilaï, « Viens avec moi, je pourvoirai à tout ton entretien chez moi à Jérusalem. » Mais Barzilaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi ton serviteur serait-il encore à la charge de monseigneur le roi? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il cette récompense? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près de la tombe de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur, Kimham, qui s'en ira avec monseigneur le roi. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que Kimham vienne avec moi et je ferai pour lui ce que tu trouveras bon. Tout ce que tu désireras de moi, je le ferai pour toi. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain et que le roi l'eut aussi passé, le roi embrassa Barzilaï et le bénit. Et Barzilaï retourna chez lui. Le roi passa en direction de Gilgal et Kimham passa avec lui. Barzilaï, c'était un de ces hommes qui avait aidé David dans sa fuite. C'était un homme influent, riche, qui avait invité David, qui l'avait nourri, qui avait donné des victuailles à ses troupes. Et il vient accueillir le roi. Il est âgé, il a 80 ans. Et le roi veut le récompenser de son aide et de son amitié, de sa générosité, en l'invitant lui-même maintenant à sa cour. Mais Barzilaï trouve qu'il est trop vieux. Il est trop vieux pour justifier d'être à la charge du roi. Il ne sait plus faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Les boîtes de nuit, ça ne l'intéresse plus. Il dit, je préfère aller mourir tranquillement. Et ça, c'est en opposition avec un de mes héros. Un de mes héros, c'est Caleb. Parce que Caleb, il disait, j'ai 80, 85 ans, mais ça ne m'empêche pas, donne-moi cette montagne. Jusqu'à la fin, il se battait. Barzilaï apparaît comme un personnage sympathique, mais en même temps, moi, ce n'est pas mon héros, parce que j'ai commencé tard dans ma vie, dans le ministère avec Christ. Et je suis encouragé par ceux qui commencent tôt, par ceux qui continuent fort et par ceux qui finissent tard. Notre pasteur à tous des églises Calvary Chapel, Chuck Smith, il a maintenant 87 ans. Tous les dimanches, il prêche 3 sermons. Dieu lui a donné la santé, mais il ne prévoit pas des vieux jours de retraite à la pêche. Et ça, ça montre aussi le cœur qu'on a pour le Christ. Est-ce qu'on fait ça comme un métier en disant « j'attends d'avoir pouvoir me reposer un peu » Alors, Barzilaï, il est bien dans le sens où il fait la place aux jeunes. Il dit « voilà mon fils, Kimham. Est-ce que ce nom vous rappelle quelque chose, Kimham? Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui se rappelle de Kimham? Peut-être Jan Nelson devrait se rappeler de Kimham. » On a traduit un petit livret de notre pasteur de Seattle, Wayne, sur la 30... Comment ça s'appelait déjà? C'était... What was the name? Voilà, des nouvelles d'une grande joie sur l'histoire de Noël. On a publié ça en ligne pendant 31 jours. Et au 14e jour, il était question de Marie et Joseph qui ne trouvaient pas de place à l'hôtel, à l'hôtellerie, à l'auberge. Et en fait, il y a des bonnes raisons de croire que cette auberge, c'était la même auberge qui est citée par le prophète Jérémie dans Jérémie 41, 17. Ça s'appelait l'auberge de Kim Ham. Et on pense que c'est cet homme, Kim Ham, qui s'est installé et qui a installé une auberge, un caravansérail, comme on disait aussi, qui a perduré, et il n'est pas du tout sûr, mais il est très possible, et c'est même intéressant de voir une relation, que, en fait, cette auberge, c'est l'auberge où il n'y avait plus de place pour Jésus et pour Marie et Joseph et Jésus qui allait naître. Ce Kim Ham, lui, va suivre le roi et il va servir le roi. Et trois personnages qui apparaissent donc lorsque David franchit le Jourdain. Là, apparemment, ils avaient organisé un système de bac. Alors qu'avant, il était passé par un guet, mais c'est plus digne pour un roi et sa famille d'arriver sur un bateau. Et à trois fois, David fait preuve d'humilité et d'assurance dans son amour vis-à-vis de Dieu. Par contre, on arrive, j'ai dit qu'il allait y avoir de la tension entre Israël et Juda. Verset 41, tout le peuple de Juda et la moitié du peuple d'Israël avaient fait passer le Jourdain roi. Verset 42, mais voici que tous les hommes d'Israël vinrent auprès du roi et lui dirent, pourquoi nos frères les hommes de Juda t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi, à sa maison et à tous les gens de David avec lui? Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, c'est que le roi nous est proche. Et qu'y a-t-il là pour enflammer votre colère? Avons-nous vécu aux dépens du roi? Nous a-t-il fait des présents? Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, le roi nous appartient 10 fois autant, et David même plus qu'à vous. Pourquoi nous avez-vous traités à la légère? N'avons-nous pas été les premiers à proposer de faire revenir notre roi? Mais les hommes de Juda parlaient avec plus d'âpreté que les hommes d'Israël. Le roi est revenu, le roi, mais son église se dispute. Son église murmure. Pourquoi il a fait ça et c'est pas nous alors que c'est nous? On a eu les premiers, on a eu l'idée de le faire revenir et vous l'avez pas et nous on est 10 et vous êtes seulement 2, on est 10 fois, il nous appartient 10 fois plus, qu'est-ce que c'est? Nanana. C'est risible. Et pourtant c'est souvent le triste spectacle qu'on donne. Pourquoi est-ce qu'ils organisent un concert là-bas et ils ne nous ont pas invités? Ou pourquoi ils ont invité telle église mais nous, ils ne nous ont pas invités? C'est pas possible. Et on perd notre relation, on perd de vue Jésus-Christ. Là, ils ont oublié David, mais ils sont prêts à se disputer pour l'honneur d'avoir été ceux qui ont appelé David à revenir ou ceux qui ont peut-être reçu des présents. Les hommes d'Israël disent, mais nous, on n'a rien reçu, on est allés parce qu'on est de la famille quand même. Hein. Ils sont tous de la famille quelque part. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous de ne pas nous laisser prendre dans les disputes d'Église. La chose qui fait le plus de mal à l'Église de nos jours, ce sont les divisions. Dieu peut nous fortifier, Dieu peut utiliser la persécution pour fortifier, tremper le caractère des chrétiens. Nous devons prier pour nos frères en Algérie. Mais je crois qu'ils sont en train de grandir beaucoup plus vite que les chrétiens en France. Parce qu'ils ont mis de côté leur dispute de clocher. Ils savent qu'il y a la persécution, qu'il faut faire face ensemble. La division, c'est l'œuvre du diable. S'il ne peut pas attaquer au dehors, alors il divise. Et sur les prétextes les plus futiles. Et veillons à ne pas donner prise au diable. Si nous avons des différends, parlons-en entre nous, devant Dieu. Et si nous devons nous séparer, séparons-nous dans l'amour. Mais malheureusement, beaucoup de croissance dans l'Église, c'est parce qu'un tel n'est plus d'accord avec un tel et il décide, il va faire son Église ailleurs. Et on pourrait citer beaucoup d'églises par nom qui sont en fait le résultat d'une dispute. Alors le Seigneur est tout puissant, il peut utiliser ces disputes. Et on peut suivre ainsi la trace. Il y avait d'abord tel mouvement, et puis après il y avait d'abord Foursquare, et puis après il y a eu Chuck ne pouvait plus vivre là, donc il est allé fonder Calvary Chapel. Et puis Calvary Chapel, il y avait quelqu'un qui s'y sentait mal à l'aise, qui a été créé Vineyard. Et puis après Vineyard, on est tous des chrétiens, et qu'on ait nos points de notre identité, c'est une chose. Mais n'allons jamais dire du mal de l'autre. Amen. N'allons jamais, n'encourageons pas la zizanie, la division. Et ça, c'est, je crois que nous avons des comptes à rendre si nous faisons ça. Et c'est facile à faire. Et des fois, il faut l'amour de Christ, il faut lui demander pardon, il faut recevoir sa force pour se mordre la langue, mais on sait que c'est la chose à faire. Voilà, on va s'arrêter là parce que d'après l'absence d'horloge, j'ai déjà dépassé le temps. Mais est-ce que vous voyez que ces passages, ils nous parlent aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez que vous pouvez faire vos dévotions le matin, votre temps, vous pouvez lire aussi des passages de l'Ancien Testament, pas seulement comme de l'histoire, mais en demandant à Dieu de vous enseigner. Prions. Seigneur, merci pour ceux qui nous ont précédés, qui ont su lire ta parole en tirant des leçons, qui les ont laissées dans des commentaires, pour ceux qui nous ont enseigné, Seigneur. Et apprends-nous à nous-mêmes pouvoir retirer de cette parole qui est la vérité des enseignements pour ma vie, pour nos vies, Seigneur. Je te remercie pour chacun présent ici, pour l'attention qu'ils t'ont accordée, Seigneur. Je te prie de bénir, de diriger. Bénis le rassemblement qui va suivre avec cette étude des femmes, Seigneur. Bénis les rassemblements, la communion fraternelle qui va avoir lieu ici ou chez les uns, chez les autres. On te loue, Seigneur, parce que tu es ce bon Père qui veut que tes enfants vivent dans la communion. Et je te prie d'encourager aussi toutes nos églises, frères et sœurs, et nos frères et sœurs, sur Nice, qui se réunissent en ce moment. Bénis-les, fais-les grandir, encourage-les, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans cette ville, dans ce pays, Seigneur. Nous prions toutes ces choses par le nom saint, trois fois saint de ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.